Début du printemps 2012, Washington DC. Les cerisiers japonais du mall sont en fleurs. Après avoir passé les portiques de sécurité, je remonte le couloir de l'aile sud du bâtiment Jefferson de la bibliothèque du Congrès, passe devant la salle du Vétéran History Project, puis une pancarte m'indique que je suis arrivée à destination. L'American Folklife Center a été créé en 1976 par acte du Congrès des États-Unis, mais son histoire remonte à la fin des années 20 avec la fondation de l'Archive of American Folk Song, première archive fédérale dédiée à la préservation des folk songs du pays, dont des spécimens initialement enregistrés sur cylindres ou disques seront désormais conservés juste en face du Capitole, au cœur du pouvoir fédéral. Au fil des années, les collections de cette archive ont été enrichies d'autres matériaux ethnographiques documentant la vie des gens, le folk life, des États-Unis mais aussi du reste du monde. Elle contient aujourd'hui plusieurs millions de documents, notamment des matériaux audiovisuels dont les plus anciens datent de la fin du 19e siècle. Alors jeune doctorante, j'allais passer 3 semaines à l'American Folklife Center pour constituer le corpus de sources de ma thèse, initialement consacré aux collecteurs de folk music de l'époque du New Deal, grand moment de l'institutionnalisation du folklore et des grandes campagnes de collecte financées par l'État fédéral. Todd Harvey, aujourd'hui conservateur des collections John et Alan Lomax, me procurait une liste de toutes les collections de folk music réalisées entre 1936 et 1941. Très vite, je réalisais qu'il allait être difficile de consulter les milliers d'enregistrements et les notes de terrain qui les accompagnaient dans le temps qui m'était imparti. Plus encore, avoir à absorber les éléments biographiques, les points de vue, l'insertion institutionnelle et les méthodes des dizaines de collecteurs impliqués me paraissait inenvisageable, même dans la perspective de retour futur au Folklife Center. Je décidai donc de choisir un cas d'étude autour duquel axer mes recherches, et me mis en quête d'une figure appropriée, c'est-à-dire d'un acteur ayant amplement participé au projet de collecte du New Deal et qui aurait laissé suffisamment de traces dans les archives. Je pensais choisir une femme afin d'étudier les dynamiques de genre dans les relations entre collecteurs et surtout afin de montrer que, par ce choix, le nombre extrêmement important de femmes engagées dans les activités de collecte. Je souhaitais surtout que mes travaux fassent ressortir l'attachement des collecteurs new-dealiens à combler les lacunes de leurs prédécesseurs, en s'intéressant notamment à des régions et à des populations peu étudiées auparavant. J'avais découvert leur goût pour des terrains inhabituels grâce aux collections mises en ligne par l'American Folklife Center, en particulier celle du California Folk Music Project. Cette campagne de collecte, financée par des fonds publics et dirigée par Sidney Robertson entre 1938 et 1940 dans la région de San Francisco, documente les musiques de 16 groupes linguistiques, allant des psaumes chantés d'une congrégation russe au jazz fusion d'un groupe de musiciens d'origine arménienne, en passant par des ballades siciliennes ou des rimours islandaises. Guidée par une intuition un peu précipitée, j'envisageais alors l'option d'axer ma thèse sur le parcours de Sidney Robertson. Sidney Robertson Cowell, depuis son mariage avec le compositeur Henry Cowell en 1941. Et je parcourus son dossier. Chaque personne ayant contribué aux collections de l'archive dispose d'un dossier sous pochette cartonnée, soigneusement classé dans de profonds tiroirs coulissants, résumant leur vie et carrière et listant les documents les concernant disponibles à la bibliothèque et dans d'autres archives. Voyant mon intérêt pour cette figure inconnue du grand public, mais relativement notoire chez les spécialistes, les archivistes présents dans la salle de lecture m'exhortèrent en chœur d'en discuter avec leur collègue, Catherine Eberkerst, l'une des archivistes qui fut responsable dans les années 1990 d'organiser la collection Sidney Robertson Cowell. De l'autre côté du bureau d'accueil, je passais de la salle de lecture où sont accueillis les visiteurs à une longue pièce lumineuse dotée d'une bonne dizaine de bureaux individuels ou officiels les employés du Folklife Center. Sur l'allée côté fenêtre, donnant sur les espaces arborés de l'Independence Avenue, une femme souriante, aux cheveux blonds tirant vers le blanc, vêtue d'une élégante tenue aux couleurs vives, m'accueillit dans son petit bureau joyeusement désordonné et entouré de fines cloisons, le séparant des autres espaces de travail. Je ressortais de cet entretien la tête pleine de pistes de recherche et d'anecdotes croustillantes sur la vie mouvementée et résolument dédiée à la connaissance des musiques américaines de Sidney Robertson. Celle-ci allait devenir le centre de mes préoccupations académiques des 7 années à venir et au-delà. Et je me souviens encore d'une des premières remarques que me fit Cathy, Très enthousiaste à l'idée qu'une apprentie chercheuse consacre ses travaux à Robertson. « She is like an onion, so many layers ». Je me plongeais alors dans les archives de Robertson, dont la loquacité en matière professionnelle contraste avec une pudeur frôlant le mutisme pour ce qui a trait à ses affaires privées.